et ceux qui se conforment au livre et accomplissent la salate en vérité. Nous ne laissons pas perdre la récompense de ceux qui s'amendent.